Dernier appel pour Flustered Paradise, embarquement immédiat, porte 26. Les personnes pour Flustered Paradise, dernier appel. Il est tellement sexy.